porte vide, il ne marchait pas au pas. Il pouvait pas y marcher sans trébucher, sans tomber, David. Il ne marchait pas bien droit. Anarchiste, communiste, idéologiste, écologiste. Certains disent qu'il avait de la fuite dans les idées. Adhérent, partisan, l'un des premiers manifestants de pensée qui savait de quoi y parler. Combien même cela vous gêne, David, lui, il y croyait. David, monte dans ta chambre et rentre dans les rangs. Voyant que David ne voulait pas, ils lui ont juste dit dégage de là. À 18 ans, David s'est fait jeter par papa, maman. Mais c'était un gars pas bête du tout. Il avait son bac avec mention. Il s'est trouvé un super boulot comme balayeur dans un McDo. Avec sa paye faramineuse, il s'est trouvé un bel appart, un vieux garage, un genre de squat avec des punks et des toughers. Combien même c'est tabou, il commence à devenir fou. À balayer dans son passe-boule avant de sa weed sur Clignancourt. C'est que leurs idées ont tourné court. Ça pour toujours, sans savoir de quoi demain sera fait. On sait pas trop ce qui s'est passé quand un matin on l'a retrouvé sous un camion tout raide cassé. Et ça jase dans le quartier. De toute façon, il était fini. La mauvaise graine, tant pis pour lui et ses parents. Ils ont de quoi être fiers maintenant.